jeunesse doit être guidée, elle doit s'engager, se former, se fanatiser pour la révolution nationale socialiste. En attendant l'âge de raison, combattre les communistes. Le signe du sang, tu n'avais que 15 ans, pourtant armé d'un sourire étincelant, éclaire le Reich pour Milan. Sur le front normand, jeune loup féroce, combattant, SS fierté du peuple allemand, les juifs s'en souviendront longtemps. Dans le bocage, les assaillants, avions et chars, arrivent en rond dans le cœur noir, camarades, en avant, repoussons-les à l'océan. Les alliés se brisent les dents face aux bras tendus, je veux dans le vent, repoussons ces banquiers, ces nègres et ces sales juifs malfaisants. Près de 8000 sont tombés à 60 dans une école encerclée. 3 jours à leur faire regretter, 3 jours de combats acharnés. Toujours le Reich, la liberté, brisant toutes leurs vagues d'acier. Vous combattrez jusqu'au dernier, seuls 4 seront faits prisonniers. Jeunesse hitlérienne.